Liselotte se demande soudain. Liselotte se dit, préférais-je les pantins, les lutins ou les souliers? Raoul. Les charades ou les fraises? Au pique-nique dans le grenier. Ou le chocolat? Papa jouait du violon. Et nous lisions à haute voix d'étranges histoires du Nord. Non, ce que je préfère, se dit-elle, c'est de m'endormir sous ma couette. Et que l'ange de la musique fredonne dans ma tête. Que l'ange de la musique fredonne dans ma tête. Tu as chanté comme un ange ce soir. Papa me disait, quand je serai au ciel, ma chérie, je t'enverrai l'ange de musique de là-haut. Eh bien, papa est décidé, Raoul. Et j'ai reçu la visite de l'ange de musique. Oh, cela ne fait aucun doute. Et là, nous allons souper. Non, Raoul. L'ange de musique est vraiment strict. Eh bien, tu rentreras de bonne heure. Raoul, non. Il faut te changer. Je fais venir mon équipage. 2 minutes, Lise. Non, Raoul, attends. Cette voix. Qui est là ?